tu poussais le ciel, le ciel, jusqu'à la fin des fins, des fins des jours. Ciel, le ciel, le ciel, jusqu'à la fin des fins, des fins des jours. Si je devais mourir demain, l'amour au moins, j'ai vécu ça, t'étais près de moi lorsque la vie me conduisait vers des cul-de-sac. Et quand je suis vert de rage, que j'aille vers toi ou vers le rap, j'ai la plus grande richesse du monde car j'ai trouvé la perle rare. Excuse-moi si quelquefois j'ai des paroles t'avilissantes. J'ai fait ma vie avec toi et je me vois pas la finir sans. La vie c'est déstabilisant, elle a fait de moi quelqu'un que je voulais pas être. Car j'étais un fonceur mais j'ai pas pu sauter toutes les barrières. Malgré tout je t'aime et je le crie sur les toits. Dans mon ciel embrumé tu veilles sur moi comme une étoile. Ma belle, même dans les plus mauvais moments de ma vie idéale. Jusqu'à la fin des jours, je t'aimerais, pour moi t'es la femme idéale. C'est dur la vie à deux, mais je ferai tout ce que je pourrais faire. Je parle pas de t'acheter la tour Eiffel, mais que je puisse te gâter pour les fêtes. Assurer nos arrières va peut-être plus si j'ai de la chance. Pour acheter une belle baraque avec jardin et des tas de chambres. Tu m'as connu au mieux de ma forme lorsque j'étais bien dans mes baskets. Et tu m'as pas lâché même quand la dépression me dévastait. C'est tout ce qui faisait ma vie que j'ai dû plonger dans la dérision. De manière j'avais plus quoi pour envisager ma guérison. Les bonnes choses de la vie, je suis plus enclin à les vouloir. Je suis dur même avec moi, crois pas que tu sois mon défouloir. Dans ma tête c'est tout noir et j'attends que ça se termine pour enfin m'occuper de toi car ma santé me fait la zermie. T'es toute petite mais t'as le cœur gros comme Mère Teresa. Je sais pas comment tu fais pour rester forte et pour gérer ça. C'est ta présence qui m'a fait reculer devant les ravins. Je suis qu'au début de ma vie mais c'est comme si j'affrontais la fin. Mes parents et toi vous resterez mes garde-fous. Même si mon isolement et ma rancœur mes garde-fous. C'est les problèmes que j'ai qui font pâlir le temps de mes joues. Mais quand j'embrasse les tiennes je sais que je t'aimerai jusqu'à la fin des jours.